looking for fun. Coming in new line for Emmanuel. Suivrai-moi pour sa direction. Qu'aimerai qu'elle prend pour faire vivre moi. Where are they ensemble? Des jours en jour, nous cachez nous pour suivre à nous. Joue derrière nous, combat à la boue. Il fait de moi un homme qui est toujours debout. Oh, oh, avec le sang. Les jours en jour. Dia lumba.